C'est la dernière capitale européenne coupée en deux. Nicosie, capitale de l'île de Chypre, l'île d'Aphrodite, comme on l'appelle, car la déesse de l'amour y serait née. La partition de la capitale chypriote, mais aussi de toute l'île, a eu lieu en 1974 après une guerre entre les Grecs et les Turcs qui a fait quelques 5000 morts. Cette division a eu également comme conséquence la chute de la dictature des colonels à Athènes. La junte militaire en difficulté a cherché dans cette aventure une adhésion populaire qui lui aurait permis de demeurer au pouvoir, un peu à la façon des militaires argentins qui, en s'attaquant aux Malouines, ont eux aussi joué leur dernière carte avant d'être renversés. Mais les colonels grecs n'ont peut-être pas agi de leur propre initiative, car Chypre, la plus grande île de la Méditerranée après la Sardaigne et la Corse, faisait l'objet de beaucoup de convoitises. Ce porte-avions naturel situé à quelques dizaines de kilomètres des côtes turques et guère éloigné des pays du Proche-Orient occupe en effet une position stratégique. Et les États-Unis en particulier s'y intéressaient beaucoup, d'autant plus que le président de la République chypriote, l'archevêque orthodoxe Makarios, était soupçonné d'avoir des sympathies pour l'URSS. Mais en 1974, le président américain Richard Nixon était empêtré dans le scandale du Watergate. Et bientôt, il devra démissionner, une démission qui coïncidera, à quelques jours près, avec la chute des colonels grecs. Et pour M. X, ce n'est nullement un hasard, les Maisons-Blanches ayant toujours été le plus fidèle soutien du régime dictatorial d'Athènes. Ajoutons que la question chypriote reste d'actualité puisque l'île va bientôt rejoindre la communauté européenne au grand dam de la Turquie. Vous savez ce que veut dire le mot énosis? Ah non, j'avoue que non. L'énosis, c'est le rattachement ou l'union, le rattachement de Chypre à la mère patrie. Un vieux rêve des chypriotes grecs, mais aussi des grecs du continent. Et l'espoir de cette énosis a toujours joué un rôle central dans la vie politique grecque. Ouais, c'est un peu l'Alsace et la Lorraine, quoi. Mmh. Mais je ne vais pas vous demander un cours d'histoire, mais enfin, il faut peut-être revenir sur le passé de Chypre. Hein. Oui, volontiers. Alors, sans remonter trop loin, disons que c'est au XVIe siècle que les Ottomans ont occupé l'île. Mmh. Une île qui était majoritairement peuplée de Grecs. Hein, oui, on compte à peu près 80% de Grecs pour 20% de Turcs. À la fin du XIXe siècle, profitant de l'affaiblissement de l'Empire turc, la Grande-Bretagne impose son protectorat sur Chypre. Puis après la fin de la Première Guerre mondiale, les Britanniques en font une colonie. Mmh. L'île occupe en effet une position stratégique en Méditerranée, et il suffit de regarder une carte. Oui, elle n'est pas très loin du Proche-Orient, où la Grande-Bretagne est très présente. Puis il y a le canal de Suez, bref. Et c'est le malheur de cette île paradisiaque, elle occupe une position privilégiée. En outre, sa proximité avec les côtes turques en fait un enjeu dans l'interminable conflit entre Grecs et Turcs. Enfin, allons vite. Ouais. Dès les années 30, on assiste aux premières manifestations nationalistes au sein de la communauté grecque. Il réclame là, cette énosis dont vous parliez. Oui, mais la Grande-Bretagne ne veut pas en entendre parler. Et au nom de ce principe qu'ils ont si souvent appliqué, divisé pour mieux régner, les Britanniques s'appuient sur la minorité turque. Une minorité qui ne doit guère avoir envie de voir l'île rattachée à la Grèce. Bien sûr. Et les Britanniques encouragent ce sentiment et participent à la naissance d'un nationalisme turc dans l'île. C'est d'autant plus grave que, jusque-là, les deux communautés ont vécu en paix. Et ça va laisser des traces. Toutefois, c'est seulement après la Deuxième Guerre mondiale que les choses vont s'animer. Que se passe-t-il là, à ce moment-là ? Dans les années 50, des nationalistes chypriotes d'origine grecque passent à l'action armée. Contre le colonialisme, alors. La Grande-Bretagne ne veut pas renoncer. Il faut se rappeler que, lors de l'expédition anglo-française de Suez, Chypre servira de plateforme de départ pour les troupes qui seront parachutées sur l'Égypte. Oui. Et notez-le bien. Les Britanniques disposent toujours de deux bases militaires à Chypre. Oui, malgré l'indépendance. Exactement. Qui dirige, enfin à l'époque, ces nationalistes chypriotes grecs là, contre le colonialisme? Oui, deux hommes, je disais. Le premier est un prélat, l'archevêque Makarios. Il sera, comme vous le savez, le premier président de la République chypriote. Mais avant, ses positions anticolonialistes lui vaudront d'être déporté. Le second, qui lui a choisi la résistance armée, est un militaire, le général Grivas. Oui, ça me dit quelque chose. Et qui est-ce alors? C'est un officier supérieur de l'armée grecque qui n'a pas eu une attitude très clair, disons-le, pendant la guerre. Oui, collaborateur. Vraisemblablement. Grivas s'est ensuite illustré dans la lutte contre les communistes au cours de la guerre civile qui a duré jusqu'en 1948. Ça lui a valu d'être blanchi, j'imagine. Enfin, c'est donc un homme franchement situé à droite. Et qui sera très proche des colonels grecs qui prendront le pouvoir en 1967. Et Makarios, lui, comment se situe-t-il, enfin, politiquement, j'entends? Ce n'est pas un homme de gauche, mais au fil des années, sans doute pour des raisons tactiques, il montrera une sympathie de plus en plus grande pour le camp de l'Est et le mouvement tiers-mondiste. Ouais. Et l'indépendance, alors, quand intervient-elle ? En 1960. C'est-à-dire en même temps que l'émancipation de la plupart des pays africains. Oui, oui, car le mouvement de décolonisation est alors général. Et la Grande-Bretagne, sans enthousiasme, est obligée d'accorder son indépendance à Chypre. Oui, mais pas... les nazis, non, c'est ça. Non, la Turquie ne l'aurait jamais accepté. Et d'ailleurs, l'archevêque Makarios lui-même avait fini par envisager l'idée de l'indépendance plutôt que celle du rattachement à la Grèce. Bah, toutefois, je vous l'ai dit, les dissensions entre les deux communautés avivées par le pouvoir colonial ont laissé des traces. Et pour tenter la réconciliation, la Grèce, la Turquie et la Grande-Bretagne ont bricolé une constitution qui va rapidement se montrer inapplicable. C'est-à-dire, là, cette constitution... Bah, il est prévu que le président de la République sera grec, ce sera Makarios, mais flanqué d'un vice-président turc qui aura un droit de veto. En outre, la minorité turque se voyait dotée d'une représentation parlementaire sans rapport avec son importance relativement faible. Et puis pour compliquer un peu plus les choses, Athènes et Ankara ont exigé d'avoir sur place des contingents militaires et même d'encadrer l'armée. Oui, ça va pas marcher. Non, car assez rapidement, le vice-président turc abuse de son droit de veto qui lui a été reconnu par la Constitution. Makarios, furieux, demande des amendements, mais Ankara refuse. On se trouve donc devant une situation de blocage. Oui, la violence, inévitablement. À la fin 1963, des heurts meurtriers opposent les deux communautés. Qui a commencé ? Impossible à dire, mais on compte des centaines de morts. En fait, les deux communautés sont-elles géographiquement séparées dans non. Non, village grec et turc étaient imbriqués. Disons seulement qu'il n'y avait plus de Turcs au nord-est. Oui, au plus près des côtes turques. Oui. Et... après ces incidents très violents, qu'est-ce qui peut se passer ? Makarios fait un pas supplémentaire dans la voie de la division en dénonçant de façon unilatérale les termes de la Constitution. Un sacré risque, hein ? Oui, peut-être, mais il affirme, et c'est vrai, qu'il ne peut plus gouverner. En tout cas, la tension augmente un peu plus. Alors qu'ils étaient disséminés dans l'île, les Turcs se regroupent et se mettent à l'abri derrière leurs militaires. Et la situation devient tellement préoccupante que l'ONU s'en mêle et envoie à Chypre une importante force d'interposition. Il est prévu que les casques bleus doivent rester 3 mois, et ils y sont encore. J'imagine qu'il y a eu des tentatives de médiation en faveur de l'ONU. Oui. Même le général de Gaulle a proposé ses services. Bon. Il faut dire que l'affaire chypriote préoccupait tout le monde. Les Occidentaux surtout, puisque ça pouvait déboucher un jour sur une confrontation armée entre la Turquie et la Grèce. Deux pays membres de l'Alliance Atlantique. En plus, les Soviétiques, justement à cause de cela, ne se sont pas privés de jeter de l'huile sur le feu. Ouais, enfin, que pouvaient-ils faire les Soviétiques ? Encourager par exemple Makarios et le soutenir. Pour les Occidentaux, il devenait clair que la paix ne pourrait revenir qu'au prix d'une partition de l'île. Une solution qui avait aussi la faveur de la population turque, qui appelait ça la Taksim. Taksim, oui. Mais que rejetait violemment l'archevêque Makarios. Par conséquent, à Moscou, on a enfoncé le clou et pris le parti du président chypriote. J'ajoute qu'il existait aussi un parti communiste très puissant du côté grec. Alors c'est ainsi que Makarios va peu à peu basculer vers la gauche ? Oui, ça va avoir une grande importance par la suite. Est-ce que le putsch des colonels grecs en 1967 va changer la donne ? Makarios, en raison de son évolution politique, ne peut pas approuver le putsch. Et pour lui, il est moins que jamais question de réaliser les Nosis avec un pays dirigé par une junte militaire. Mais la situation devient de plus en plus difficile pour lui. D'une part, il y a toujours des heurts entre les deux communautés, et d'autre part, les Chypriotes s'attendent à tout moment à une action de force. Mais qui viendrait d'où ? Elle pourrait venir soit d'Ankara, soit d'Athènes. À Ankara, l'armée très influente brûle de venir au secours des Turcs Chypriotes. Et à Athènes, certains colonels ont aussi très envie de réaliser les Nosis par la force en débarquant Makarios. Ce qu'ils tenteront en... 1974. Oui, ça leur sera fatal. Mais n'allons pas trop vite. Pour être tout à fait honnête, il me faut aussi dire que Makarios ne faisait rien pour apaiser les dissentiments entre les Chypriotes. Pour lui, comme pour la plupart des Grecs de l'île, les Turcs n'étaient que les descendants des envahisseurs qui avaient conquis Chypre au XVIe siècle. Et ce qu'ils avaient de mieux à faire, c'était de retourner chez eux. Un peu simpliste, non ? Je vous l'accorde. Enfin, toute colonisation ou conquête produit ce genre de réaction. On l'a bien vu nous-mêmes en Algérie. Toutefois, avant de poursuivre, je voudrais d'abord vous reparler du général Grivas. En 1967, ce zélé militaire est allé rejoindre à Athènes ses amis, les colonels. Mais 4 ans plus tard, sans doute à l'instigation des dirigeants grecs, il revient clandestinement à Chypre. Il ressuscite son ancienne organisation de résistance. Contre les Britanniques. Oui, bien sûr. Et il en fait un mouvement de lutte armée contre Makarios, accusé d'avoir trahi la grande idée de l'énosis. et bientôt il proclame le soulèvement général contre l'archevêque. Pour bien comprendre les enjeux internationaux de la crise chypriote, je me suis reporté à un livre publié par les éditions Complexes et écrit par Georges Prevelakis, ouvrage sur la géopolitique de la Grèce. En 1964, l'armée turque était prête à envahir Chypre et seule l'intervention du président américain Johnson a pu l'éviter. Les Turcs ont vu cette initiative comme une prise de position pro-grecque de la part des États-Unis, ce qui les a amenés à prendre certaines distances vis-à-vis de l'Occident pour se rapprocher de l'URSS. Les États-Unis se sont trouvés dans une situation diplomatique bien délicate, car Makarios, lui aussi, cherchait appui sur les soviétiques afin de contrer les différents projets qui risquaient de compromettre l'indépendance de l'île et son pouvoir personnel. L'URSS avait tout intérêt à le soutenir puisque tant l'Enosis que la Taksim, qui en partageant l'île entre la Grèce et la Turquie n'était qu'au fond qu'une double Enosis, renforcerait les positions de l'OTAN en Méditerranée orientale. Face à cette avancée diplomatique de Moscou, les Américains géraient leurs relations avec leurs deux alliés en leur accordant une égalité de traitement. Mais cette politique s'accordait mal avec la nécessité d'intervenir pour éviter une conflagration. Cette position difficile a conduit la diplomatie américaine à s'impliquer le moins possible pendant les périodes d'accalmie relative, mais cet abstentionnisme rendait le besoin d'intervention plus manifeste encore quand les crises éclataient. Est-ce que le général Grivas va parvenir à soulever la population grecque de l'île ? Non. Non, mais sa tentative va encore compliquer la situation. D'autant qu'il n'entend pas en rester là et que, protégé par l'armée grecque présente sur place, il va multiplier jusqu'à sa mort en 1974 les troubles et les complots contre son ancien allié Makarios. Et 1974, c'est aussi l'année où la junte militaire en place à Athènes va tenter un coup de force à Chypre. Mais Grivas meurt juste avant. Ah bon. Alors voyons ce qui va se passer. Et puis ensuite, nous examinerons le dessous des cartes, si vous voulez bien. Mm-hmm. À Athènes, le colonel Papadopoulos jugeait trop mou à l'égard de l'opposition et soupçonné de travailler à la libéralisation du régime a été débarqué à l'automne 73. Avec l'assentiment de Washington, je vous dis. Hein. Oui, oui, mais enfin, inutile d'y revenir. D'accord, mais enfin, vous m'avez aussi dit que dans le coup de Chypre, les Américains avaient leur part de responsabilité. Hein. Bien sûr, j'y reviendrai. Mais les faits d'abord. Au fil des mois, il apparaît de plus en plus certain que les colonels sont tentés d'intervenir à Chypre. Toujours pour réaliser ce fameux Enosis. Oui, oui, et aussi pour se débarrasser de l'archevêque, Makarios. Oui, Makarios, il avait conscience des menaces qui pesaient sur lui. C'est certain. Il savait que l'organisation terroriste créée par le général Grivas essayait de l'assassiner. Et il savait aussi que les véritables inspirateurs de ces terroristes se trouvaient à Athènes. Oui, les colonels. Naturellement. Et là, il a sans doute sous-estimé le danger. Makarios ne pensait pas que la junte militaire interviendrait directement à Chypre. Pourquoi alors a-t-il été si peu clairvoyant ? Bien, parce qu'il croyait que les putschistes d'Athènes n'oseraient pas. En effet, une action militaire grecque sur l'île entraînerait presque automatiquement une intervention turque. Ouais. Et l'archevêque estimait que la junte ne prendrait pas ce risque. Ce en quoi il se trompait lourdement. Mais ce qui va réellement mettre le feu aux poudres, c'est sa décision de renvoyer chez eux les officiers grecs qui encadraient la garde nationale chypriote. Parce qu'il estimait qu'il représentait un danger ? Forcément. Il formait un véritable cheval de Troie et soutenait les terroristes de l'organisation de Grivas. Mais pour la junte d'Athènes, c'en est trop. Et le 15 juillet, c'est le putsch. Les chars de la garde nationale sortent de leur caserne et roulent vers Nicosie. Le palais présidentiel est pris d'assaut et subit un pilonnage sévère. Et Makarios ? La radio chypriote annonce sa mort. Mais c'est une fausse nouvelle. L'archevêque a réussi à s'échapper. Il a trouvé refuge dans l'une des bases britanniques de l'île. Il gagnera ensuite New York afin de demander l'assistance de l'ONU. Mais à Chypre même, que se passe-t-il ? Un nommé Samson s'est autoproclamé président de la République hellénique de Chypre. Et qui est-ce, Samson ? C'est un tireur d'élite de l'organisation de Grivas. Ça ne prédispose pas forcément à devenir président. Oui, là, vous avez raison. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que ce Samson est aussi un type très bien connu de la CIA. Ah, on y va. Et qu'est-ce que ça signifie, bien connu ? Ses activités étaient financées par l'agence américaine. Ses activités terroristes, vous voulez dire ? Oui, et journalistiques, si on peut les appeler comme ça. Samson dirigeait un petit journal extrémiste. Donc c'est clair, les Américains sont dans le coup. Ça me paraît évident. Il faut aussi noter que le secrétaire d'État américain Henry Kissinger ordonnera à son envoyé spécial à Nicosie de reconnaître le ministre des Affaires étrangères de Samson, alors qu'aucun autre gouvernement ne traitera avec les putschistes. Enfin, ça, je vous l'ai promis, on parlera du dessous les cartes. Ah, et donc des Américains. Oui, puisque vous y tenez. Non, je sais pas, ce qu'il faut bien voir, et qui éclaire la suite, c'est que sur le plan du droit international, ce putsch opéré par des officiers grecs dans une république indépendante est une ingérence directe et une atteinte à la souveraineté chypriote. Alors la suite, justement. Dans les quelques jours qui suivent le putsch, les militaires grecs terrorisent la population et pourchassent les partisans de Makarios. Est-ce que ces derniers résistent ? Oui, et très courageusement. Pendant au moins 3 jours. Toutefois, les militaires grecs sont plus nombreux, mieux armés, et il y aura quand même quelques 300 morts. Ah, oui. Et la Turquie bah, comme on pouvait s'y attendre, Ankara ne pouvait rester sans réagir. 5 jours après le putsch, une puissante force de débarquement arrive sur les côtes chypriotes. En même temps, des soldats sont parachutés au-dessus de la partie turque de Nicosie. Le premier ministre turc, Bülent Ecevit, prétend alors que son armée ne vient pas faire la guerre, mais apporter la paix aux Turcs et aussi aux Grecs. C'est un peu gros, non ? Bien sûr. Mais les colonels grecs leur ont fait un superbe cadeau en provoquant ce putsch. Oui. Et les casques bleus, parce qu'ils sont toujours là, avez-vous dit ? Eh bien, ils sont fermement invités à déguerpir de Nicosie. Ils ne tentent pas de s'interposer. Ouais, non, pas les moyens. Quoi qu'il en soit, les Turcs s'imposent très rapidement et au prix de durs combats, ils conquièrent la partie nord de l'île. Des dizaines de milliers de chypriotes grecs, paniqués, fuient vers le sud et l'ouest. D'autres par milliers aussi sont faits prisonniers et expédiés en Turquie. On ne reverra jamais certains d'entre eux. Assassinés ? C'est très probable. Mais je reviens à la guerre. La situation est d'autant plus grave qu'à Athènes, le chef de la junte, Ioannidis, se déclare prêt à attaquer la Turquie sur le continent. Ouais, il est sérieux, là ? Non, c'est une rodomontade. L'armée grecque n'est pas de taille à affronter les forces turques. D'autre part, les États-Unis, qui étaient restés jusque-là étrangement silencieux, se décident à agir. Et ils pèsent de tout leur poids pour que leurs deux alliés méditerranéens n'en viennent pas à se faire la guerre. Et le 22, soit 7 jours seulement après le putsch de Nicosie, ils obtiennent que les deux parties signent un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu à Chypre, donc. Oui. Conséquence immédiate, Samson quitte le pouvoir et il est aussitôt remplacé par le président de l'Assemblée chypriote. Autre conséquence, dès le lendemain, la junte grecque d'Athènes s'efface. Parce qu'elle a échoué. Et rappelez-vous, c'est exactement ce qui se passera plus tard en Argentine. Les généraux désavoués seront eux aussi obligés de mettre les pouces après leur défaite des Malouines. En outre, et c'est essentiel, les militaires grecs ont compris que les Américains ne pouvaient plus décemment les soutenir. C'est d'autant plus vrai qu'à Washington, Nixon est de plus en plus fragilisé. Encore quelques jours et il devra céder la place. Est-ce que la crise chypriote est pour autant réglée ? Non. Tandis qu'à Athènes, un gouvernement civil remplace la junte. Carrément lisse, c'est ça ? Oui, cet ancien premier ministre vivait en exil à Paris. Il rentre très vite dans son pays où il reçoit un accueil triomphal. Après 7 années de dictature, les Grecs s'en sont donnés à cœur joie. Et au fond, on peut dire que le seul effet positif de cette affaire chypriote, c'est la chute des colonels. Mais je reprends. À Athènes, donc, les civils remplacent les militaires. Et à Genève, Grecs et Turcs commencent à négocier sous les auspices de l'ONU. Sur le sort de Chypre. Mais la partie n'est pas égale. Les Turcs, après leur opération éclair, sont en position de force. Et ils veulent absolument imposer leur solution. Plus question d'énosis. Ce qu'ils entendent obtenir de cette conférence de Genève, c'est la partition de l'île et au minimum la création d'une république fédérale. Et donc l'existence de 2 zones autonomes. Oui, enfin eux aussi trichent. Car Ankara a déjà programmé une 2e intervention militaire à Chypre. Au cours de la 1ère intervention militaire turque à Chypre, les combats ont été d'une violence extrême. Les Turcs en particulier ont utilisé des bombes au napalm. Et voici ce que peut écrire Christophe Chiclet dans Le Monde du 10 juillet 1989, 15 ans après ces événements dramatiques. Pendant 2 jours, les combats sont très durs. Supérieurs en nombre et en puissance de feu, les Turcs consolident leur tête de pont entre Kyrenia et Nicosie. La garde nationale chypriote grecque, plus occupée à soutenir le président putschiste Nikos Samson, réfugié politique en France depuis 1978, oppose une résistance héroïque mais parcellaire et désordonnée. Elle tente aussi de réduire les enclaves turques sur les arrières, non sans quelques bavures. Quant au soutien de la Grèce, il est quasi nul. Le contingent grec de l'île reçoit l'ordre de ne pas bouger. Et si Athènes mobilise dès le 20 juillet, les hommes découvrent que l'intendance est inexistante et que les armureries sont vides. Les colonels ont tout revendu aux pays arabes voisins, réalisant d'énormes profits personnels. Enfin, aviateurs et marins qui ont appareillé pour Chypre sans attendre les ordres sont sommés de faire demi-tour immédiatement. Bref, la junte perd pied et abandonne Chypre à son sort. Pour certains observateurs, cet abandon est dicté par Washington. Pendant la courte période de cessez-le-feu, les Turcs en ont profité pour consolider leur position et fortifier leur tête de pont à Chypre. Pendant que les négociations continuaient à Genève, ils ont porté leur effectif à 40 000 hommes et ils ont débarqué près de 400 chars. Et si, s'ils avaient acheminé une telle force, c'est qu'ils avaient l'intention de s'en servir. Bien sûr. Parce qu'en face, à cause de la chute de la junte, c'était plutôt la désorganisation qui prévalait. Mais j'y pense, là. Les Britanniques possédaient deux importantes bases militaires à Chypre. Ils auraient pu intervenir, eux, et puis éventuellement s'opposer au débarquement turc. C'est juste. Et il ne faut pas oublier que la Grande-Bretagne était garante du traité qui avait consacré l'indépendance de l'île. Justement. Là. Donc, elle avait le droit pour elle. Mais ses troupes sont restées passives. Mais pourquoi alors? Parce que Washington a dissuadé Londres en intervenir. Ah, ben ça mérite une explication. Eh bien, réfléchissez. Et vous aurez une partie de la réponse. Kissinger, parce que c'est lui qui avait en charge ce dossier, n'était nullement opposé à l'action des Turcs. Voilà la vérité. Enfin, poursuivons. Les choses vont aller très vite. À Genève, au beau milieu du mois d'août, les Turcs adressent un ultimatum aux Grecs. Il leur faut approuver immédiatement la solution turque. Car la République fédérale. Oui, ouais. Les Grecs hésitent un peu trop longtemps, c'est-à-dire quelques heures. C'est pas longtemps. Et les Turcs passent immédiatement à l'action. Et prétendez-vous, c'était prévu? Oh, sans aucun doute. L'armée turque franchit la ligne de cessez-le-feu. C'est l'opération Attila. En deux jours, les Turcs se rendent maîtres de 40% du territoire chypriote. Toute la partie nord-est est passée sous leur contrôle. Et entre parenthèses, c'est la partie la plus riche et la plus fertile. Les Grecs ne peuvent rien faire. Non, d'autant que la chute de la junte s'est traduite par une profonde désorganisation de leurs forces armées. Les Turcs, alors, ont donc obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire une partition de Chypre. Et la grande majorité des Grecs, encore présents sur les territoires qu'ils ont conquis, vont être obligés de partir. Et s'ils ne choisissent pas volontairement l'exil de l'autre côté de la ligne de cessez-le-feu, les pillages, les viols, les meurtres les y contraignent. C'est donc une sorte de purification ethnique. C'est vrai, on n'employait pas encore l'expression, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Et bientôt, pour renforcer la population turque, Ankara enverra des dizaines de milliers de colons à Chypre et fera du territoire sous son contrôle un État autonome qui deviendra quelques années plus tard la République turque du Chypre du Nord. Une république qui ne sera reconnue que par la Turquie. Justement, alors. Comment réagit la communauté internationale devant ce coup de force? Elle se contente de condamner et c'est tout. Et les États-Unis? À la Maison-Blanche, où Gerald Ford a succédé à Richard Nixon, on ne peut que désapprouver cette deuxième intervention militaire de la Turquie qui n'était plus justifiée, comme la première, par le putsch des Grecs. Mais pour tout dire, cette condamnation paraît bien molle. Et pourtant, il semble bien que l'action turque ait représenté une sorte de camouflet pour la diplomatie américaine. Oui, parce qu'elle a été impuissante à dissuader son allié, la Turquie, d'intervenir militairement pour la seconde fois. Oui, mais c'est apparemment plus compliqué. Kissinger, car il est demeuré secrétaire d'État, ne paraît pas plus affligé que ça. Alors expliquez-moi, qu'en est-il en réalité? Je suis persuadé qu'il a approuvé une action qu'il avait prévue. Et puis franchement, pensez-vous que les Turcs, alliés fidèles des Américains et dont le pays était une pièce essentielle du dispositif atlantique dans la région, pouvaient passer outre l'avis de Washington? Non, c'est impossible. Donc, selon vous, Ankara agit avec le feu vert de Kissinger. Oui, et les Grecs ne s'y sont pas trompés. Furieux contre les Américains, ils vont sortir de l'organisation intégrée de l'OTAN. Ouais, comme l'avait fait le général de Gaulle quelques années plus tôt. Exactement. Mais ils reviendront en 1981, je crois. Alors, il faut bien finir par m'expliquer le dessous des cartes, comme vous dites. D'accord. Bon, d'abord, il faut bien dire que depuis le départ, enfin je parlais de l'indépendance de Chypre en 1960, les Américains, non sans bon sens, pensaient qu'un jour ou l'autre, en raison de la coexistence de deux communautés hostiles, il y aurait un jour ou l'autre un conflit. Ouais, d'autant que Grecs et Turcs avaient une histoire commune plutôt mouvementée. Et que le colonisateur n'avait rien fait, bien au contraire, pour pacifier les relations entre les deux populations. Donc, à Washington, on avait le sentiment que la seule solution viable était la partition. On était d'autant plus favorable à cette solution que la Grèce et la Turquie étaient des alliés au sein de l'OTAN et qu'il fallait avant tout éviter qu'ils n'en viennent à se combattre. Et puis il y avait Makarios. Ah oui, Makarios qui se rapprochait de plus en plus de l'URSS. Et il avait même osé acheter des armes à un pays de l'Est. Pour les Américains, c'était pratiquement un casus belli. Mmh. Il fallait donc s'en débarrasser, quoi. Oui, c'était quand même délicat. Car d'une part, Washington ne pouvait pas prendre le risque d'être impliqué dans l'élimination de l'archevêque. Et d'autre part, il fallait ménager la susceptibilité des soviétiques qui ne cachaient pas leur sympathie pour celui qu'ils présentaient comme un important leader tiers-mondiste. Mmh. Alors, pour résumer, les Américains ont donc agi par l'intermédiaire de ces putschistes liés à la junte d'Athènes. Vous avez trouvé. Et leur plan a été particulièrement machiavélique. Je vous explique. Kissinger, car c'est lui qui a été le véritable chef d'orchestre de toute cette affaire, avait compris que les colonels grecs avaient fait leur temps. Ils étaient condamnés à terme. Mais avant de tomber, ils pouvaient encore rendre service. À rendre service, c'est-à-dire ? La CIA, qui était sous le contrôle de Kissinger, a persuadé le chef de la junte, ce Ioannidis, qui ne voyait pas par sa perspicacité politique, de tenter une action contre Makarios. Ça n'a pas été très difficile, tant l'archevêque était détesté à Athènes. Le plus malaisé a sans doute été de convaincre la junte que les Turcs ne réagiraient pas à ce coup de force. Mais le fait est là, les Américains ont réussi. En affirmant que... qu'Ankara ne se lancerait pas dans une aventure militaire sans l'accord de Washington. Ouais, c'est sans doute l'argument qui a été employé. Enfin bref, les colonels convaincus organisent le putsch de Nicosie. Mais ils échouent sur un point essentiel. Ils n'arrivent pas à tuer Makarios. Or, c'était quand même l'objectif numéro un. La suite était prévisible. Les Turcs, vraisemblablement encouragés par les Américains, passent à l'action. Et la participation de l'île, souhaitée depuis si longtemps par Washington, est acquise. Ouais, mais il y a toujours Makarios qui a échappé à la mort. C'est vrai, mais il ne reviendra au pouvoir qu'en décembre 1975 et il mourra moins de 2 ans plus tard. Et vous l'avez dit, Athènes sortira provisoirement de l'organisation intégrée de l'OTAN, c'est quand même dommage. C'est ce qu'on appelle un dégât collatéral. Ah oui. Puis ça n'a pas duré, les Grecs n'avaient pas les moyens matériels de se passer trop longtemps de l'aide américaine. Ajoutons que la crise chypriote n'est toujours pas réglée. Et que les négociations entre les deux parties continuent sous l'égide de l'ONU. Elles ont connu un brusque accès de tension quand la République de Chypre, c'est-à-dire la partie grecque, a demandé à adhérer à l'Europe communautaire. La Turquie a alors menacé d'annexer purement et simplement la République turque de Chypre Nord. Mais les relations ne sont pas rompues et l'on peut espérer une unification avant 2004, date fixée pour le prochain élargissement de l'Union européenne. D'autant que la Turquie, qui rêve d'intégrer elle-même l'Europe, sera peut-être mettre de l'eau dans son vin. Reste la question de la responsabilité américaine dans cette affaire. Kissinger a toujours nié être intervenu, mais ses dénégations ne semblent pas très convaincantes. Savait-il, par exemple, que la junte d'Athènes préparait un mauvais coup contre Makarios ? À l'évidence, oui. Si j'en crois le journaliste Christopher Hitchens, qui a publié un livre intitulé « Les crimes de M. Kissinger » publié en France par les éditions Saint-Simon. Il raconte qu'en juin 1974, le secrétaire d'État américain a reçu un coup de téléphone du sénateur Fulbright, président de la Commission des affaires étrangères du Sénat. Je cite Hitchens. Un journaliste grec dissident, Elias Demetrakopoulos, avait averti Fulbright du coup d'État imminent. Le sénateur dit à Kissinger que des mesures devraient être prises pour éviter que l'action des militaires grecs n'ait lieu, et cela pour 3 raisons. D'abord, réparer en partie les préjudices moraux causés par l'indulgence américaine envers la junte. Ensuite, empêcher une confrontation entre la Grèce et la Turquie en Méditerranée. Enfin, rehausser le prestige américain sur l'île elle-même. Kissinger refusa de prendre les mesures recommandées, arguant bizarrement qu'il ne pouvait pas intervenir dans les affaires intérieures grecques à une époque où l'administration de Nixon résistait aux pressions du sénateur Henry Jackson, lequel souhaitait lier le commerce américano-soviétique à la liberté d'émigrer accordée aux juifs russes. Quelle que soit l'étrangeté du raisonnement, ce dialogue en soi place Kissinger dans l'impossibilité de prétendre, comme il continue de le faire, qu'il n'avait pas été averti.